Faut-il vraiment que tu partes? Faut-il vraiment que tu partes se dire adieu? Et malsain se dire adieu ne rime à rien. Faut-il vraiment que l'on se quitte comme ça, sans même un coup de bite? Tu es pour moi une espérance, tu es pour moi ma seule chance. Faut-il vraiment que finisse toute notre histoire avec une bise? Je n'oublierai pas tes cheveux, je n'oublierai jamais tes yeux. Faut-il vraiment que tu ne viennes pas enregistrer un jour chez moi? Sans toi, ma vie n'a plus de chance. Sans toi, ma vie n'a plus de sens.